Bonsoir à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro, et bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en français de ce 29 octobre. En voici les grands titres. Célébration ce 29 octobre de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. En début de ce journal, le cardiologue Constantin Nyamuzangura nous expliquera ce que c'est qu'un AVC. Les fonds en devise transférés instantanément de l'étranger peuvent désormais être retirés en devise dans les banques commerciales du Burundi. Pour ceux ayant des comptes en devise, c'est selon un communiqué récemment sorti par la Banque centrale. L'école fondamentale Kanura, école pour aveugles de Gihanga, en commune en province Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi, fait face à de nombreux défis dont le manque de papier et livres écrits en braille. Cela a été dit hier lors de la célébration de la journée internationale de la canne blanche, normalement célébrée le 15 de chaque mois d'octobre. Les détails, c'est dans ce journal présenté par Mireille Kanyange, et la mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Page santé pour débuter ce journal. Le 29 octobre est la journée mondiale dédiée aux accidents vasculaires cérébraux. Un AVC étant une défaillance de la circulation du sang affectant le cerveau, nous dit Francine Ndihokubgayo. Il s'entretient avec le cardiologue Constantin Nyamuzangura. L'accident vasculaire cérébral est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il s'agit d'un accident qui survient soudainement chez une personne qui au départ était bien portante mais se retrouve du coup paralysée. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura fait savoir qu'il existe deux gros mécanismes de survenue d'un accident vasculaire cérébral. L'AVC est un accident ou un déficit neurologique soudain qui survient chez quelqu'un ou un patient qui était normalement sans problème, qui est dû soit à un infarctus ou une ischémie, c'est-à-dire une artère ou un capillaire du cerveau qui est bouché, ou alors à une hémorragie d'une des artères cérébrales, c'est-à-dire quand une artère ou un capillaire du cerveau éclate et fait une hémorragie au niveau cérébral. La définition tient compte de son caractère soudain et brutal, parce que c'est vraiment un accident, ça survient chez quelqu'un qui était normalement sain, d'un moment à l'autre qui se retrouve avec un bras, une jambe ou une partie de l'hémiface du visage qui est paralysée. L'AVC survient sur des facteurs de risque et l'hypertension artérielle vient en premier. L'hypertension artérielle reste une grande maladie pourvoyeuse d'accidents vasculaires cérébraux. C'est les troubles du rythme au niveau cardiaque. Et là vient en premier ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, qui est en fait une arythmie cardiaque avec un rythme cardiaque très irrégulier. Les autres facteurs de risque, c'est l'alcoolisme. L'autre facteur de risque non modifiable, c'est l'âge. Il faut dire que l'âge augmente la rigidité au niveau des vaisseaux et il est très exceptionnel, voire très rare, de voir un enfant qui fait un accident vasculaire cérébral, sauf sur des cas d'accident vasculaire cérébral, disons secondaire, à une pathologie du cœur ou alors une tumeur, etc. Mais dans la majorité des cas, disons que les accidents vasculaires cérébraux surviennent à un âge assez avancé, vers 65-70 ans dans les pays développés. Mais dans notre contexte, il n'est pas rare de voir des patients d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui font des accidents vasculaires cérébraux. Les autres facteurs de risque, disons moyens, c'est le diabète, c'est le tabac, c'est certaines infections comme le VIH ou alors une histoire familiale d'accident vasculaire cérébral. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura nous parle également des grands symptômes de l'accident vasculaire cérébral. Une baisse de la force au niveau d'un bras, d'une jambe ou alors d'une partie du visage ou alors carrément de tout un côté. C'est des difficultés au niveau de la sensibilité, c'est des problèmes au niveau du langage, soit quelqu'un qui parlait normalement qui commence à perdre des mots, à avoir des difficultés à prononcer. C'est notamment des difficultés à bouger la langue, à déglutir ou à avaler. On peut avoir des troubles au niveau de l'équilibre, qui ne peut pas se tenir en position debout, qui peut même faire des chutes. D'autres signes comme au niveau de la vision, quelqu'un qui commence à voir double ou alors qui a un flou visuel. On peut avoir aussi des problèmes liés aux maux de tête ou céphalées qui surviennent brutalement. Il y a toujours moyen de prévenir cet accident vasculaire cérébral qui est la première cause de handicap acquis de l'adulte, selon toujours le cardiologue Constantin Nyamuzangura. Mais aussi, la personne qui a fait un AVC peut être traitée et récupérer ses fonctions. Merci à Francine Ndihokoubgayo, docteur Constantin Nyamuzangura, page économie de ce journal. La Banque de la République du Burundi, BRB, informe le public que désormais, dans le cadre des transferts instantanés de l'argent en provenance de l'extérieur, les fonds reçus peuvent être virés sur les comptes en devise des bénéficiaires ouverts dans la banque où ces fonds transitaient. Dans une lettre adressée à toutes les banques commerciales du Burundi, la direction de la BRB précise que les bénéficiaires qui n'ont pas de compte en devise ont le choix de percevoir ces fonds en monnaie locale ou demander à la banque de leur ouvrir un compte en devise pour y transférer ces fonds. Tout enfant malnutri peut être accueilli dans le centre de suivi de la malnutrition se trouvant à l'hôpital de district d'Obouyé, c'est en province Ngozi, au nord du Burundi. Cela a été indiqué par une des infirmières à ce centre. Les parents qui ont déjà amené leurs enfants à ce centre font savoir que leurs enfants reprennent le goût de manger après le traitement qui leur est donné au sein de ce centre. Alidende Keza. Cet enfant pleure parce que le médecin est en train de lui poser une sonde nasogastrique pour son alimentation. Cet enfant est atteint de malnutrition. Il a des cheveux éclaircis, des joues et des pieds gonflés. C'est un des enfants traités à l'hôpital de Wouye qui a un centre qui reçoit des cas pareils. Selon une des infirmières de ce centre, pour qu'un enfant soit admis, il a des préalables qui doivent être remplis. Pour que nous puissions accueillir un enfant, nous devons faire des examens. Il y a des protocoles que nous suivons pour voir si leur poids et leur taille ne sont pas en dessous des standards. Un enfant qui a 70 cm et moins de 5 kg avec un âge d'une année, il peut être admis à ce centre. Cette infirmière ajoute que les premiers jours de traitement, seul le lait peut être donné à ses enfants. Pendant la période de traitement, ces enfants ne mangent aucun aliment. On leur donne que du lait seulement, car il y est ajouté des médicaments et d'autres nutriments. Si on leur donne une autre nourriture, ils peuvent même mourir. Une des mères rencontrées à ce centre indique que son enfant a recouvré la santé depuis qu'il est suivi par les médecins. On l'a examiné, par après, les médecins lui ont donné du lait. Ils m'ont dit que mon enfant souffrait du kwashiorkor. Dans notre famille, nous sommes des indigents. Il m'était difficile d'avoir à manger pour mon enfant. Depuis qu'il est ici, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, il mange bien. Ses pieds sont dégonflés. Seuls ses cheveux restent clairs. À ce centre, ses enfants y passent 10 jours en recevant des nutriments et leurs parents sont également assistés en nourriture. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal. Les rapatriés résidents du village Gahore de la colline Mutambara en commune province Rumonge affirment cohabiter pacifiquement. Un problème qui les hante, disent-ils, est lié au manque de terres cultivables ainsi que les semences. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Sur la piste séparant le village de Gahore et la sous-colline Makombe, près de la route nationale numéro 3 reliant Rumonge à Nyanzalak, les rapatriés et résidents témoignent de leur bonne cohabitation. Sous les palmiers à huile, le vent souffle. Aline Nagirutimana, mère de 9 enfants, vient de rentrer du camp de réfugiés de Lusenda en République démocratique du Congo. Selon son témoignage, l'accueil a été bon et ses voisins ont même été fiers de son retour. Dans le peu qu'ils ont, ils s'entraident mutuellement, témoignage d'une bonne cohabitation. Même si elle a trouvé sa maison très fissurée, elle reconnaît que c'est aux intempéries. Apollinaire Hatungimana, un résident, confirme cette bonne cohabitation. Cependant, tous convergent sur l'idée qu'une aide en semences et en roues est urgente. Célestin Itanga, administrateur communal de Rumonge, indique que cette bonne cohabitation est le résultat de plusieurs réunions de sensibilisation organisées sur les collines, exhortant les résidents à bien accueillir les rapatriés. Et ici chez nous, nous avons avons organisé des sensibilisations sur les collines, les différentes collines. Et aussi, les chefs de zone ont essayé de sensibiliser la population pour qu'ils puissent accueillir les voisins qui ont quitté le pays et pendant la période électorale de 2015. Alors, c'est là le principe que nous avons utilisé, c'est-à-dire suite à ces sensibilisations et sensibilisations de base et qui nous a vraiment donné une réussite qu'on peut dire à 100% et d'accueillir ces rapatriés dans notre commune d'Ormongue. Il informe qu'une aide en semences sera disponible très prochainement, mais que toutes les collines ne seront pas servies. Jean-Pierre Misago, depuis le village de Gahore, Radio Isanganiro. Page agriculture de ce journal en province Muyinga. Les représentants des caféiculteurs demandent aux commerçants d'arrêter l'usure sur le café, un phénomène qui appauvrit les petits cultivateurs au profit des spéculateurs. Pour lutter contre ce commerce illicite, chaque caféiculteur devra avoir une fiche de suivi de l'écoulement de sa production pour la saison à venir. Les détails avec Dieudonné Nzeiman. En cette période de soudure, certains cultivateurs recourent à l'usure. Le café immature est vendu aux commerçants spéculateurs. Un habitant de Chibali, commune Muyinga, sous couvert d'anonymat, révèle avoir vendu son café juste après la floraison. Il a encaissé seulement 50 000 francs, alors que l'usurier compte gagner plus de 200 000 francs. Jean-Pierre Nabomenyereye, président de la Fédération des caféiculteurs de la province Muyinga, affirme que c'est une pratique qui gagne du terrain. Pour lui, le caféiculteur victime de son commerce reste pauvre. Les subventions des engrais et des fertilisants profitent à une poignée de spéculateurs. Pour lutter contre cette pratique, chaque caféiculteur devra avoir sa fiche de paye et de vente pour la saison prochaine. Mais me sonne de cloche de la part de Baden de Jumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, invitant les commerçants à rompre avec un commerce illégal pour lequel il est difficile de fournir des preuves en cas de conflit. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga pour la radio. Quittons la province Muyinga pour nous rendre en province Bubanza, à l'ouest du Burundi, où le manque criant d'enseignants spécialisés, le matériel didactique comme les machines à écrire, les papiers et livres écrits en braille, et la petite ration journalière, tels sont les défis auxquels sont confrontés les élèves aveugles de l'école fondamentale Kanura de Gihanga. En province Bubanza, cela a été soulevé ce samedi lors de la célébration de la journée internationale dédiée à la canne blanche, journée normalement célébré le 15 de chaque mois d'octobre. Les détails avec Spes Caritas Cabagnana. La canne blanche est normalement utilisée par un aveugle, comme l'a précisé le directeur de l'école fondamentale Kanura de Gihanga lors de son discours. Ernest Niragira a également signifié que tous les utilisateurs des voies publiques devraient en être informés et connaître que celui qui détient la canne blanche dans la route est un aveugle auquel il faut laisser le passage et même d'assister s'il le faut. Jean-Marie Daïsaba, le représentant des aveugles au niveau national, a indiqué dans son discours que les aveugles sont confrontés à plusieurs difficultés, surtout dans les milieux scolaires, suite au manque d'enseignants spécialisés, au manque de livres et de machines en braille. De son côté, Léonard Nzoïsaba, représentant des élèves, a demandé à l'État d'ouvrir pour l'année prochaine des sections à la même école pour le poste fondamental, puisqu'il y aura cette année des candidats au concours national. Il a également demandé qu'on les recherche des livres, des papiers et des machines en braille. Cette journée de la canne blanche a été célébrée sous le thème éducation inclusive, source de développement intégral de la personne aveugle. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Parlons encore une fois éducation, cette fois c'est en province Ruyigi à l'est du Burundi, où il y a grogne de certains parents qui ont des enfants au lycée communal de Rangi en commune et province Ruyigi, qui se plaignent qu'on leur exige de payer plus de 10 000 francs burundais pour la construction de la direction de l'école. Ses parents disent que cette somme est très élevée et la direction de ce lycée fait savoir que cette contribution a été fixée en fonction du nombre d'élèves et la direction provinciale de l'enseignement promet que la contribution des parents doit être plus ou moins supportable. Les détails avec Jean-Claude Nchimiriman. Ces parents dont leurs enfants étudient au lycée communal de Rangi en commune et province Ruigi disent que la direction du dit établissement scolaire leur exige de payer 13 000 francs burundais par élève pour la construction d'un bloc administratif, une somme qui s'ajoute à 5 600 francs payés pour la même fin au troisième trimestre de l'année scolaire dernière. Ce qui fait un total de 18 600 francs burundais. Ces parents font savoir qu'ils ont demandé lors d'une réunion que cette contribution soit fixée par ménage et non par élève, mais sans succès, et disent que c'est trop exigé pour des familles ayant plus d'un élève à ce lycée. Ils se plaignent également que le moellon a été acheté alors qu'ils auraient pu le collecter eux-mêmes lors des travaux communautaires s'ils auraient été consultés à l'avance selon leur dire. À cet effet, ces parents disent qu'ils sont dans l'incapacité de s'acquitter de cette somme destinée à la construction, une somme qu'ils jugent élevée pour des ménages vivant actuellement dans la pauvreté et demandent aux responsables habilités d'intervenir pour que leurs enfants ne soient pas chassés de l'école. Agrippine de Kundimana, directrice de cet établissement scolaire sous convention pentecôtiste, a été fixée à son référent à 170 élèves qui comptent cet établissement scolaire et précise qu'ils sont en train de construire un bloc administratif de 5 bureaux, une bibliothèque et une salle des professeurs. Bernard Gassigaye, directeur provincial de l'enseignement, dit qu'il ne savait rien de ces constructions et promet de s'investir pour que la contribution des parents soit arrêtée à une somme plus ou moins supportable. Vous saurez que cet établissement scolaire a ouvert ses portes en 2007 et que les bureaux étaient jusque-là abrités dans une maison de trois chambres de l'église Pentecôte. Jean-Claude Nshimilimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À Aimé Toussaint Mitewuti qui assurait la mise en onde. Je dis merci. Une excellente soirée chez vous. Au revoir. Thank you.